En Corée a lieu une cérémonie consacrée au 8 mars, journée du football féminin de la Confédération asiatique de football. Y étaient présentes les femmes entraîneurs et instructeurs des clubs sportifs, des écoles des sports juniors et de l'école de football international de Pyongyang, ainsi que les as du foot féminin de la Corée. Elles ont vu d'abord le vidéo sur la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans 2016 de la FIFA. Par la suite, elles ont joué au foot en passant une journée agréable.